We'll be right back. baby, come back to be my girl. Thank you. Giorgio, c'était pas mal. C'était pas mal avec Bena. Il a une bonne, tu sais, il a une bonne façon de jouer la contrebasse, quoi. Puis en plus, tu sais que lui, c'est un sacré pianiste, le mec, là. Mais tu as des. C'est pour ça que j'ai un peu amélioré mes accords, parce qu'avec lui, tu vois, c'est un mec qui aime bien les choses, bien et du col doré, c'est aigu. Il aime bien en tout cas que ce soit pas. Enfin, j'ai apprécié le petit moment. Quelques minutes, c'est l'anniversaire aujourd'hui. Et je lui ai préparé son petit gâteau.